بسم الله الرحمن الرحيم. الحزبية يا إخوان أفل لها والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. Le plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن عمر وإن رآه الناس حسنة. أما بعد، donc Inch'Allah, on poursuit cette série de cours en commençant par la révision de la leçon 24 qui a tourné autour de la suite qui avait à voir par rapport au l'irtidal mais au recours, lorsqu'on se relève, yani, quels sont les critères à observer lorsqu'on se relève du recours. Et on a pu voir une partie du sujoud, yani, lorsque tu vas en sujoud. Parmi les choses qu'on avait ajoutées au cours, c'était barakallahoufikoum les invocations qui étaient légiférées pour cela. On a pu voir que tu peux rajouter lorsque tu dis Rabbana walak alhamd. On a pu voir pour cela il y avait quatre manières de faire, tamam, avec le waw, sans le waw, tamam, en rajoutant Allahumma avec le waw ou sans le waw. Et on a pu voir aussi kadalika que tu pouvais rajouter d'autres naham, d'autres formules de glorification comme ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. On a pu voir que dans cette glorification il y a un grand mérite, car on a pu voir que dans le hadith qui était authentique que les anges, lorsqu'ils ont entendu cette personne la dire حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, ils se sont empressés de l'écrire. Qui d'entre eux l'écrira le premier? Et c'est ma'aruf, les malaïka ils s'empressent que vers les bonnes choses. Quant à l'écart, on a pu voir parmi les choses qui est légiféré de dire mil as-samawat, et après que tu dis Allah Rabbana lakal hamd, mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama baynahuma wa mil a ma shi'ta min shay'in ba'd ahla thana wal majd ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna lakal hamd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. On a pu voir, yani, c'était vraiment les deux grandes, au plus les deux grosses formules de glorification qui étaient légiférées après que tu dises Rabbana wa lakal hamd. Kazalika, parmi les choses qu'on a pu rajouter qui étaient la position des mains qui doivent être observées après que la personne est revenue du rukou. Est-ce qu'il prit les bras ballants ou bien est-ce qu'il prit en mettant les mains et en rabattant les mains sur son torse? Qui a une réponse pour cela? On a pu voir que un des avis c'est de mettre les mains sur le torse, tamam, ou bien rabattre ses mains. Tamam. L'expression qui est plus apte c'est de dire de rabattre ses mains. Tamam. Car on a pu voir que le fait de mettre les mains sur le torse ou bien sur le ventre ou bien le fait comme il n'y a pas d'endroit qui est vraiment précisé. Le hadith qui a été évoqué pour cela, on a pu voir, tamam, le fait de rabattre ses mains sur la poitrine, c'était un hadith qui était faible. Donc à partir du moment qu'il n'y a pas de choses qui nous montrent cela, donc yani, le musulman, il met sa main où il veut à partir du moment où ça ne va pas engendrer sur le fait qu'il va mal positionner la main droite sur sa main gauche. Et le deuxième avis, non, c'était de prier les bras le long du corps. Quels sont les arguments qui ont été pris pour les personnes qui ont justifié que tu dois mettre les bras, comment ça s'appelle, le long du corps? Quels sont les arguments pris pour cet avis-là? Ils disent que c'est pas précisé dans les hadiths qu'il est rabatté à ce moment-là. Ils voient qu'il n'y a rien de précisé. Donc, ils disent, tu restes, Yanni, comme tu es, Yanni, dans l'état normal, en dehors de la salah, c'est-à-dire les bras le long du corps. T'as mis ça. Ils disent, les hadiths ont tellement été précisés que rien n'a été, évoqué à ce sujet-là. Et qu'à la quête, ils disent, il n'y a pas de hadith. C'est pas, ni ça a été précisé, et ni un hadith qui montre cela. Ceux qui disent qu'il faut rabattre les mains sur le corps, quels sont leurs arguments? Donc ils ont pris pour argument le hadith, non, que dans un hadith il est dit, quand qiyam il est rabatté, donc rentrez dedans, le deuxième qiyam, rentre dedans. Non. En gros, yani, le hadith dans lequel il est évoqué que Nabi sallam, il rabattait ses mains sur son corps, pourtant qu'il était debout, tamam, كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى اذا كان قائما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما وضع يده اليمنى على اليسرى. Donc de ce hadith là, il dit que النبي صلى الله عليه وسلم mettait sa main droite sur sa main gauche lorsqu'il était debout pendant la prière. Les ulama qui voient cet avis là disent qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'être debout lorsque tu lis ou bien lorsque tu reviens du rukou. Donc celui qui prétend la différence entre ces deux choses là, il doit ramener le dalil, il doit ramener sa preuve. Et qu'à le cas hadith, أمرنا أن نضع أيدينا اليمنى على اليسرى في الصلاة. On nous a ordonné de mettre la main droite sur la gauche pendant la prière. Donc le fait que Nabi Sassam me dit pendant la prière, c'est ma'ruf. Ils disent lorsqu'on est, on procède par élimination, on va se rendre compte directement que la main droite sur la main gauche, ou plutôt la main droite sur la main gauche, ça peut être que lorsque tu es debout. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt les rapporteurs qui nous ont décrit la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont précisé tout ce que faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire lorsqu'il était en tashahhud thani, lorsqu'il était en sujoud, lorsqu'il revenait du sujoud, lorsqu'il était en tashahhud, lorsqu'il était en ruku', lorsqu'il revenait, lorsqu'il était en ruku', et lorsqu'il était debout. Il manque plus que quoi? Lorsqu'il revenait du ruku'. Ils disent donc là, comme le hadith il est âme, fils salah dans la prière, et les autres endroits de la prière, ils viennent pour restreindre ce hadith-là. C'est-à-dire que lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, il mettait sa main droite sur sa main gauche pendant la prière, qu'est-ce qu'il voulait par la prière? C'est pas toute la prière, parce qu'il y a des choses qui nous montrent que c'est pas là. Donc ça restreint cette globalité. C'est comme s'il était dit, il mettait sa main droite sur sa main gauche lorsqu'il était debout. Il dit, il reste plus que quoi? Le fait que tu es debout avant le recours, et tu es debout après que tu t'es relevé du recours. Donc ils disent, ce hadith-là, il nous montre que la globalité qui évolue, c'est lorsqu'il était debout en train de lire et lorsqu'il revenait de rukou'. T'as même ce hadith-là est dans Muslim. Donc ils disent, comment pouvez-vous t'as même juger qu'il faut mettre les bras ballants alors qu'il y a un hadith qui prouve cela? Il y a un hadith qui prouve cela. Et les hadiths ramma, les hadiths qui indiquent une globalité, ce sont des hadiths qui doivent être appliqués. T'as même, tu dois l'appliquer. Donc l'avis qui est prépondérant et qui paraît juste, t'as même, c'est de mettre la main droite sur la main gauche lorsque tu reviens du rukou'. Hatta shaykhana Yahya ibn Ali hafizahullah ta'ala al-Hajwari, et lui qui met sa main le long du corps, hatta lui-même il a reconnu en disant, yani les personnes qui voient que il faut mettre la main droite sur la main gauche, t'as même sur le corps lorsque tu viens du rukou', il dit, ils ont leur avis, il est beaucoup plus argumenté. Wa nas'alu subhanahu wa nas'alla subhanahu wa ta'ala an yassirahu li'amal bidhalika. Donc c'est ça qui est l'avis qui est prépondérant. Tamam, prépondérant c'est ça. Wallahu a'lam. Tamam, donc yani ça c'est un avis où dans lequel il y a une divergence, et la divergence elle est possible. La divergence elle est possible, donc on ne doit pas avoir de la dureté les uns les autres. Tamam, c'est des masaïd qui impliquent pas qu'il y ait une dureté et des paroles crues. Tamam. Mais on est des frères inshallah, comme قال l'imam الشافعي رحمه الله تعالى الا يستقيم انكم اخوانا وان اختلفنا في مساله. N'est-ce pas possible qu'on observe la fraternité, même si jamais on diverge dans un point, ta main dans une mas'ala, dans un sujet qui est d'interprétation diverse. Mais les sujets qui sont où la personne a khalaf un dalil, ça, naham. Tu peux être dur avec cette personne-là si jamais il s'entête à ne pas appliquer ce que appelle, ou bien naham, ce que appelle le dalil. Dans ces cas-là, naham, tu deviens dur avec lui. C'est clair. Lakin, dans les masail comme ça, t'as même de dire c'est une bid'a dalala, ça c'est un col qui est dur. T'as même, c'est un col qui est dur et qu'on n'accepte pas. Et c'est un effort d'interprétation de shir, t'as même. Ça veut dire qu'on va pas lui rendre l'appareil en disant non, ce que tu dis c'est une bid'a dalala. T'as même, on doit observer, nous, la tranquillité, surtout dans les masail comme ça. Parce que ça peut ouvrir des portes, barakallahu fikum, à l'adversité et l'hostilité entre les frères. Comme la hatta yani, elle a été évoquée de shir ibn Baz, si je me souviens sont bons plutôt. Que certains des personnes, lorsqu'ils ont lu le kitab de Sheikh Al-Albani, ils ont une dureté avec les autres. Jusqu'à Yanni se couper les ponts entre Yanni, entre frères et tout. Non, ça c'est une khata, c'est un faham, c'est une compréhension qui est fausse. Et Katalika, on ne doit pas Katalika se lamenter et pleurer et dire que khalas, on est des mubtadi'. Non, on n'est pas des mubtadi'. Celui qui fait ça, c'est un mubtadi'. Ça, c'est pas Katalika. C'est pas vrai. C'est pas toute personne à qui il est dit, il a fait une bid'a, que c'est un mubtadi'. Il y a des shurut, il y a des conditions qui font que à partir de ce moment-là, tu peux juger de la personne. Si jamais il y a le mot, c'est-à-dire que c'est un kafir, ça suffit pas juste qu'il tombe dedans. Il peut tomber dedans. Yani, en faisant, yani, maintenant, on prend le hadith, barakallahu fikum, anna nabi sallam as-sahabi qala li nabi sallam, ma sha Allah wa sha'ta. Il a joint la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou il a joint la volonté de nabi sallam avec celle d'Allah azza wa jalla, mis sur le même piédestal. Ça, c'est du kufr, tamam. Lakin, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a jugé cette personne-là qu'il est mécréant? Non. Parce que, il a dit ça bidjahl, par ignorance. Tamam. Son intention à Beden, c'était de dire que la volonté d'Allah azza wa jalla et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était de même. Mais malgré ça, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a corrigé. Pas jugé de cette personne-là qui était, c'était un kafir. Parce que pas tout le monde qui tombe dans une mécréance ou bien dans une bidraque, c'est un kafir. Parce qu'il y a des choses qui empêchent le jugement, comme l'ignorance, comme l'effort d'interprétation, comme yani, la contrainte, comme la faute, yani, ta langue a précédé ton attention, comme celui qui a dit Naham, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Lorsqu'il était content, lorsqu'il a retrouvé sa monture, alors qu'il avait perdu dans un désert, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité cette monture-là, elle est revenue à lui, de plein, était tellement content que il a dit une parole qui était du kufr. Il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. T'as même sa langue, elle a précédé quoi? Son intention. Malgré cela, personne n'a jugé de lui que c'était un kafir. Donc c'est pas tout le monde qui tombe dans une mécréance, ou dans une bid'a, ou dans un fisk, dans une erreur, que c'est un mubtadi', ou bien un kafir, ou bien un fasiq. Ça, c'était un point qu'il fallait appuyer, t'as même, parce que des gens ont pris un peu la parole des deux. De Sheikh Al-Uthaymeen et de Sheikh Al-Albani. Pour juger de celui qui mettait la main sur le tarse, ou plutôt il y en a le fait comme sur rabattre les mains sur le corps, que c'est un mubtadi'. Et les autres de dire que l'autre c'est un takfiri, ou bien c'est un il bat les gens, il est innovateur sans preuve. Donc ni cela ni cela. On doit emprunter la voie, quand même le juste milieu, ni de dire dans le sujet d'interprétation que c'est une bid'a ou un kufr ou kada ila akhirihi, et ni kadalika. Et lorsque il est jugé dans des sujets comme ça d'interprétation, par le fait comme diverses, est possible, si jamais la personne voit que c'est une bid'a, ça c'est un call qu'il voit, mais ça ne veut pas dire que toi tu as mubtadi'. Abadan, il ne voit pas que tu as mubtadi'. Il voit que cet acte-là, pour lui, c'est une bid'a, que Nabi Sassam ne l'a pas fait. Il ne dit pas que celui qui le fait, c'est un mubtadi'. Abadan. Lakin, c'est mieux d'éviter ce call-là. La shak wa la ra'y wa fi. Nabi Sassam, comme on a pu vous l'évoquer dans le hadith, lorsque les deux. Groupe des compagnons à qui Nabi Sallam il avait ordonné une chose, chacun a compris l'ordre de Nabi Sallam comme il a compris. Malgré cela, Nabi Sallam il a pas qualifié ceux qui s'étaient trompés dans l'interprétation qu'ils étaient dans l'erreur. Il a dit vous avez raison. Yani ceux qui avaient compris kada kada, ils avaient raison. Et il a pas réprimandé d'une manière dure ces personnes-là qui avaient mal compris son texte ou bien sa parole qui portait à interprétations diverses. Comme l'a dit l'imam, Al-Shanqiti, rahimahullahu ta'ala. Donc parmi les choses qu'on a pu voir, barakallahu fikum, ensuite on a pu voir sujoud. Dans le sujoud, on a pu évoquer quelques faveurs du sujoud. Qui se rappelle une des faveurs du sujoud? Naam. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقامين أن يستجاب لكم كما في حديث ابن عباس il nous dit النبي صلى الله عليه وسلم les invocations sont plus à même à être exaucées lorsque vous êtes en sujoud. Pourquoi? Qui peut évoquer la raison? Pourquoi cet endroit-là de la prière est plus à même à être exaucé? Car on se fait très humble devant Allah. Wallahu a'lam. Naam. La kadalikal al-ruku'. Tam. Al-ruku'. Kadalikal, la personne fait preuve d'humilité auprès d'Allah Azza wa Jal. Malgré que le sujoud, c'est beaucoup plus arvam. Ça montre une humilité qui est beaucoup plus grande. C'est ma'aruf. Naam. Parce qu'on est plus proche d'Allah Azza wa Jal. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد l'endroit ou le moment où il est plus proche Allah, le serviteur est le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsqu'il est en sujoud, en prosternation. Donc il faut vraiment faire preuve d'ikhlas et de dua qui sont âmes, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب craignez Allah Azza wa Jal et lorsque vous invoquez, invoquez de manière globale. Tamam. Allah, tu demandes à Allah Azza wa Jal le Jannah, tu demandes le paradis, tu demandes qu'il te facilite le paradis, tu demandes qu'il te facilite le Firdaus. Et le fait qu'il te facilite cela, ça va te faciliter, ça implique qu'il va te faciliter les œuvres pour que tu accèdes au paradis. Donc il y en a, c'est bien de ramener des invocations, surtout celles de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam et celles qui ont un sens qui englobe. Comme a dit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fattaqullah wa ajmilu fi talab. Et Kadalika, le hadith dans lequel il est venu, celui qui servait Nabi Sallam, le servant de Nabi Sallam, celui qui était à son service plutôt, lorsqu'il lui a dit quel est ton besoin, il lui a dit après cela, il y a mon besoin et que tu m'encourages à beaucoup me prosterner. Wa kadalika, inna kala tajdu sajdatan lillah illa rafa'a Allah biha daraja wa hutta 'anka sayya. Naam, wa kutiba laha ka hasana, je pense. Le hadith Thauban, yani dans le Sahih, dans lequel Nabi Sallam il dit tu ne te prosterneras, il n'y a pas une prosternation que tu fasses sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève un degré et t'enlève un péché et te rajoute une hasana. Donc ça c'est parmi les mérites du sujoud. Et comme l'a dit Cheikhuna Yahya hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il a été demandé c'est quoi la plus grande ni'ma dans laquelle l'abd il s'épanouit, il a dit c'est dans le sujoud. Il a dit c'est le sujoud, la prosternation. En sahih, t'es coupé du monde avec Allah azza wa jal, t'es au plus proche de lui, tu sais que t'es dans le moment où il va t'exaucer, t'es bon? Tu fais preuve d'humilité. C'est vraiment, il y a un mot d'or qui monte, il y a une reboudi, une adoration qui est grande. Une marque d'humilité très très grande. Tu poses, il y a le membre le plus honorable que tu as dans ton corps, qui est le visage, pour Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Alladhi shara'a lana sujoud. Et lorsqu'il va en sujoud, il doit dire quoi? Qu'est-ce qu'il doit dire lorsqu'il va aller en sujoud? C'est-à-dire qu'il a fini ses invocations pendant le record, ou plutôt lorsqu'il s'est revêtu au record. Qu'est-ce qu'il doit dire lorsqu'il va aller en sujoud? Il doit faire le takbir, dire Allahu Akbar. Naam. Quel est le jugement de dire Allahu Akbar dans ces moments-là? Lorsque tu te déplaces de cet endroit à l'autre, c'est une obligation. الدليل نعم واجب كي سعرف الدليل الحديث هذا كتابه بقية dans lequel le Messie sallam il lui a décrit la prière et tous les énoncés de ce qui est dans le texte dans ce hadith là nous prouve que ce sont des piliers. Donc question, comment êtes-vous amené, comment appelez-vous, le fait qu'il avait oublié, khalas. Masha'Allah. Allahumma barak. Effectivement, qu'est-ce qui dévie l'obligation, ou plutôt le pilier à l'obligation, c'est que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il avait oublié le premier tashahhud. Le premier, c'est pas le deuxième. Il avait oublié le premier tashahhud. Il s'était relevé, wa fiyaka barakallah. Il s'était relevé, et il avait oublié de faire le tashahhud, le premier. Et malgré cela, il n'a pas recommencé la prière. Si jamais ça aurait été un pilier, il aurait dû recommencer la prière. Il aurait dû recommencer la prière. Et le fait qu'il ne l'a pas fait, ceci nous prouve que ceci n'est pas un pilier. Il a ramené, il y en a pour cela, il a comblé ce manque par une prosternation de distraction. Et ça, c'est ma'aruf. C'est pas des choses avec laquelle qui comble, il y en a un pilier. Abedan. Donc c'est une obligation. Certains nous ont dit, c'est mustahab. Et d'autres, ils ont dit, c'est quoi? Un pilier. Lakin en sahih, c'est une obligation. Naam. Doit-il lever la main pour cela? Lorsqu'il fait takbir? Non. Tain, non. Arsantan. Lakin, certains des ulama, ils ont pour cela un hadith. Quand le Nabi sallam yarfa yaday fi kulli ma khafida wa rafa'a. Donc là, je descends pour un sujoud. Naam. Les hadiths qui sont venus dans Sahihain, dans Bukhari ou Muslim, c'est pas évoqué cela. Ceci n'est pas évoqué dans ces hadiths-là. Il est évoqué que Nabi sallam il levait la main pendant takbir al-ihram. Et dans d'autres, dans hadith Ibn Umar, Nabi sallam kana yarfa yaday hina yukabbir. Naam, hina yukabbir wa hina yarka' wa hina yarfa'. صلبه من الركوع وحين يقوم من الثالثة ثم يقوم من التشهد الأول إلى الثالثة الحديث يعني متفق عليه. Donc quatre endroits dans lesquels le musulman il levait ses mains et non, ça peut être évoqué sujoud ou bien autre. Lorsqu'ils ont sujoud. Et ce hadith là, il est pas authentique. Il y a d'autres hadiths et au bout d'autres rapporteurs qui sont meilleurs et qui sont beaucoup plus nombreux. Ils ont évoqué ce hadith là dans lequel il a été évoqué qu'il levait sa main à chaque fois qu'il descendait d'un endroit et qu'il se relevait. Ils n'ont pas évoqué cela, qu'il se relevait, qu'il faisait le takbir à chaque fois qu'il descendait d'un endroit pour aller à un endroit à l'autre, ou s'il se relevait d'un endroit pour aller à un autre. Ils n'ont pas évoqué cela. Et ça s'appelle dans la science du mustalah, la science du hadith, un hadith qui est shadh, c'est-à-dire qui contredit ceux qui sont mieux qualifiés parmi les, qui contredit le hadith et un des rapporteurs qui sont beaucoup mieux qualifiés que celui qui l'a ramené, ou bien qui sont beaucoup plus nombreux. C'est ça, un hadith qui est shadh, un qui est rejeté. C'est un hadith qui est rejeté. Parmi les choses qu'on a pu voir, kadalika, donc il y a il ne faut pas faire ça, il ne faut pas lever les mains. El khuru' ala al-yadayn, lorsqu'il descend, il doit descendre sur ses mains. Certains de ulama, ils voient que tu dois descendre en faisant précéder tes genoux à tes mains. Quelle est la vie le plus juste? Mets les genoux, les mains avant les genoux, n'am. Les mains avant les genoux. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui se rappelle de la preuve de cela? N'am. Car le chameau, il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'am, là, car on ne doit pas faire comme les chameaux. La yabrakou ahadukum, ke baraka al-ba'ir. Il nous dit, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne faut pas qu'on s'assoie ou bien qu'on aille en soujoute, t'am. En le faisant comme ils le font les chameaux. Et ma'rouf, les chameaux, lorsqu'ils vont au sol, ils font précéder quoi? Leurs genoux à leurs mains. Et ceux qui disent qu'il faut précéder les genoux, ils ont une compréhension mauvaise de la manière dont il s'accroupit le chameau quand il va au sol. Ils ont une mauvaise compréhension de la manière dont fait le chameau pour aller au sol. Ils pensaient que les pattes avant du chameau, c'était quoi? C'était les mains. Donc ils disent, donc le chameau lorsqu'il va au sol, il va avec ses mains, ses pattes avant. Il est pattes avant, c'est les mains, c'est comme c'est l'homme, c'est les pattes avant. Ils ont compris ça comme ça. Lakin, ce qui est marrant dans les kutub, dans les encyclopédies ou comment ça s'appelle, des animaux, dans les livres d'arabe, ils nous disent que les genoux sont compris dans les pattes avant. Ce qui pose avant, ça s'appelle les genoux. Les pattes avant du chameau, marouf. Les deux pattes avant et les deux pattes arrière. Ces pattes avant, ils ont pensé que les pattes avant, ceux qui disent qu'il faut mettre les genoux avant, ils ont pensé que les pattes avant, c'était l'équivalent de la main chez les hommes. Donc en gros, lorsque le chameau il se baisse, en premier lieu, donc les mains sont dans les pattes de derrière, comme on a pu l'évoquer. Au fait, il a quatre pattes. Et les Arabes, ils appellent ça les aïdi, hatta chez les animaux. Ils appellent ça des yad. Il en a quatre. Lakin, ses genoux, ils sont dans les pattes avant. C'est-à-dire qu'il aurait, lui, il a quatre pattes. Il a quatre mains, on va dire ça comme ça, si vous voulez. Ces quatre pattes, là, qui est dit en français, en arabe, ils appellent ça des mains. Il a quatre mains. Là, les genoux du chameau, ils sont compris dans les pattes avant. C'est étrange, mais ok. Il a quatre mains. Parce que nous, en français, on a une compréhension qui est autre. Pattes avant, pattes arrière. Un main, les arabes, ils appellent ça aïdi, des mains. Si tu demandes à un arabe, le chameau, il a combien de mains, c'est-à-dire, c'est taqul lahu, kam lahu aïdi, c'est taqul laka. Il a quatre mains. C'est bon. Donc ça veut dire qu'il pousse barclofikum ses pattes dans ses pattes avant, il y en a dans lesquelles il y a le genou, c'est-à-dire que lui il pousse ses genoux avant. Avant tout cela. Il pousse ses genoux avant tout cela. Donc il ne faut pas poser ses genoux. Il faut poser ses mains avant, ensuite ses genoux. Fahimtum ? Ça, c'est le hadith qui a été évoqué. Qu'est-ce qui manquait ? Donc, Inch'Allah, on poursuit le cours. C'est tout ce qu'on avait pu évoquer la semaine dernière. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال رحمه الله تعالى فإذا سجد وهو ركن il nous dit lorsqu'il s'est prosterné et la prosternation il nous dit elle est un pilier effectivement comme l'a jugé Cheikh Al-Albani la prosternation se fait le fait de se prosterner c'est un pilier car le kitab et la sunna et même l'ijma l'unanimité des savants le prouvent quant au kitab فقولوا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير نعم Donc dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se prosterner en disant wasjudu et prosternez-vous, inclinez-vous et prosternez-vous. Donc là c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Donc plus qu'à prouver que c'est un pilier maintenant. Ce qui nous prouve cela que c'est un pilier, un ordre, il y en a qui est plus grand qu'un ordre, mais un pilier, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de celui qui ne savait pas prier, Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Sum masjud hatta tatma'inna sajidan. Ensuite prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois à l'aise dans ton prosternement, dans ta prosternation. Tamam? Dans ta prosternation. Et le hadith là il est ma'rouf comme on a pu l'évoquer. Tamam? Tous les énoncés de ce hadith là montrent que c'est un pilier. Bilijma' du maqala Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Et le ulama, kadhalika, ils ont ramené l'ijma' sur cela. Donc il n'y a aucune personne qui diverge par rapport à cela, il n'y a aucune divergence, je veux dire. Tamam. Les ulama sont tous d'accord, comme l'a évoqué l'imam Ibn Abd al-Barr ou Ibn Qudamah ou l'imam Nawawi, qui sont tous unanimes qu'il faut se prosterner pendant la prière. Celui qui ne fait pas cela, sa prière sera caduque, sa prière ne sera pas acceptée. Tamam. Donc, parmi les rukun, parmi les arkan as-salah, le sujoud, le fait d'être prosterné pendant la prière. Dans le hadith de celui qui ne savait pas prier, ثُمَّ اشْتُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا Ensuite, prosterne-toi jusqu'à ce que tu ressentes l'apaisement dans ton sujoud. Il y a un indice, ou plutôt nous indique, que comme il y en a, la prosternation c'est un pilier, كَذَلِكَ le fait d'être apaisé dans le sujoud, كَذَلِكَ c'est un pilier. Car il lui a dit, حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا Il ne suffit pas à la personne de se prosterner, mais il faut qu'il se prosterne tout en ayant ressenti dans son sujoud un apaisement, que ses os, ils ont pris la place qu'ils doivent prendre lorsqu'il est en sujoud. Ses membres, ils ont pris la place qu'ils doivent prendre lorsqu'il est en sujoud. C'est-à-dire que celui qui a à peine posé sa main ou bien son visage et s'est levé, sans évoquer de dhikr, sans faire rien, la chose par laquelle on peut juger que ses membres, ils ont pris toute leur place et qu'il a barakallahu fikoum, accompli cet apaisement-là qui lui est demandé, tamam. Si jamais il ne fait pas ça, sa prière sera annulée. Car le Nabi Sassam, il a dit, hatta tatma'inna sajidan, jusqu'à ce que tu sois apaisé pendant la prière. Et les ulama, ils expliquent cela en disant que il faut que tes membres ou bien tes os, yani, prennent la place qu'ils doivent avoir pendant la prosternation. À partir de quel moment, yani, la personne, on peut juger que la personne a ses membres, ils ont pris la place qu'ils doivent prendre, et qu'il a ressenti un apaisement pendant son sujoud. Le ma'ruf, il y en a comme on a pu le voir kadhalika dans al-ruku', parce que kadhalika lorsque tu es en ruku', il ne se suffit pas de t'incliner, mais de t'incliner en étant yani apaisé dans le ruku'. Kadhalika sujoud. Donc yani, la moindre des choses par laquelle on peut juger que tes membres, ils ont pris leur place, et que tu as été apaisé dans ton sujoud, c'est comme on a pu l'évoquer avec ruku', c'est-à-dire que tu ramènes au moins une fois l'invocation qui est légiféré de dire dans As-Sujud, qui est, مثلاً, yani, Subhana Rabbi al-A'la. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait comme cela a été authentifié dans le hadith de Hudhayf ibn al-Yaman, fi Muslim, dans lequel il nous a raconté, narré la description du Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a prié la nuit, dans la prière dans laquelle il a lu dans les premières raka'ah, Al-Baqara, Al-Nisa, ou Al-Imran. Il nous a dit, ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti en ruku'. Tamam. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti en ruku', son ruku' il était long, il a expliqué ce qu'il disait pendant le ruku', et ensuite il a expliqué ce qu'il faisait dans le sujoud. Et parmi les choses qu'il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le sujoud, ou plutôt qu'il disait dans le sujoud, c'était quoi? Subhana Rabbiya la'ala, subhana rabbiya la'ala, hatta dans le hadith, dans un hadith qui a été évoqué, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sabbih isma rabbika al-a'la, faqala nabi sallam, ij'aluha fi sujudikum. Donc dites, yani subhana sabbih isma rabbika al-a'la, lorsque vous êtes prosterné. Wa nabi sallam, dans le hadith ibn Abbas, faqala amma sujud, na'am, fa amma ruku' fa'adhimu fiha ar-rabb amma sujud. فَدُعُوا رَبَّكُمْ فَقَمِنُونَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Donc il faut invoquer. Un Nabi Sussam, il nous a ordonné d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que tu dis subhana rabbi al-a'la, ou que tu le glorifies Allah azza wa jal, ceci nous prouve yani, que tu as ramené au moins la moindre des choses par laquelle on peut juger que tu étais apaisé pendant ton sujoud et que tes membres ils ont pris la place qu'ils doivent prendre pendant ce sujoud. Car Nabi Sussam, lorsqu'il nous a ordonné d'invoquer Allah Azza wa Jal, le fait que tu dis Sab Subhana Rabbi al-A'la, yani tu es rentré, ou plutôt tu t'es acquitté de cette obligation. Tu t'es acquitté de cette obligation. Donc à partir de ce moment-là, tu peux te relever. Si jamais tu fais plus, c'est mieux. Mais à partir de ce moment-là, tu auras, ou plutôt, yani, si jamais tu t'es relevé, ta prière ne sera pas annulée. Mais Amma, si jamais tu te prosternes juste, ou tu as à peine posé ton front au sol que tu t'es déjà relevé, ça, on ne peut pas compter. Barakallahu fikum. Que tu t'es apaisé dans ta prière, tu vois. Et ça, hatta yani, on peut voir que c'est peut-être yani un trait qu'ils ont, un trait de ressemblance avec les munafiqun. Les munafiqun, les hypocrites. Yani, comme Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhkuruna Allah illa qalila. C'est des gens qui invoquent Allah azza wa jal, qui évoquent Allah azza wa jal que peu. Ils invoquent très peu. Tu vois. Donc il faut, à partir du moment où on sait que on est dans le moment le plus proche, ou t'es le plus proche d'Allah Azza wa Jal, et que tes invocations ne sont plus à même d'être évoquées, plutôt exaucées. Donc il faut prendre son temps, glorifier Allah Azza wa Jal, l'invoquer à Allah Azza wa Jal, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce ce que tu lui demandes. Et كذلك المعروف من المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقروا نقرة لا يذكرون الله إلا قليلا. Comme cela a été rapporté dans hadith yani fi Muslim, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous évoque yani la prière de ceux qui retardent la prière jusqu'à ce qu'il reste yani un temps vraiment très court, yani le retard de la prière jusqu'à laisser entre la prière qui vient après et celle où il doit yani l'accomplir, il laisse un temps vraiment très très court. Et dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ma'rouf, c'est le fi'l des munafiqin. C'est l'habitude des munafiqin qui prient comme ça. Ils retardent la prière jusqu'à laisser un temps qui est court entre le moment où ils doivent l'accomplir et la prière qui vient. Et il nous dit, il nous qualifie la prière des personnes qui font cela, c'est-à-dire qu'il dit, il picore comme le font les coqs. C'est-à-dire, vraiment, il ressent rien dans sa prière. Il fait juste, c'est que des gestuels. Donc nous, on doit être le plus distant de cette manière de prier. Nous, Mahjara Ahl al-Sunnah, ceux qui s'affilent à la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'incombe pas, barakallahu fikum, d'être distant de cette Sunnah dans ce sujoud qui est de adorer Allah azza wa jal en l'évoquant kathiran. On doit se différencier des munafiqun, ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala très peu. Donc, être apaisé dans la prière, c'est un rukn, c'est une obligation, plutôt un pilier. Et ce pilier-là, il s'acquitte, il s'accomplit en ramenant au moins une fois que tu es glorifié Allah Azza wa Jal ou bien que tu es demandé. On verra, yani, kadalika, le adab, la conduite qu'on doit avoir lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jal. Lorsque tu demandes la conduite, on va le voir, inshallah, laquelle on l'évoque comme ça, mimbab al-fa'idah, c'est que la personne doit, yani, faire précéder la glorification à Allah Azza wa Jal. Ensuite, s'il peut, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il demande à Allah azza wa jalla. Comme on va le voir, il y a un hadith qui est venu sur cela. Il y a un hadith qui est venu sur cela. Cette personne-là s'est empressée. Elle a demandé directement sans glorifier Allah azza wa jalla. Yani, il faut glorifier Allah azza wa jalla et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des choses qui sont des causes pour que tes doigts elles soient acceptées. Et qu'à cas, d'avoir la certitude qu'Allah azza wa jalla, il va t'exaucer ce que tu lui demandes. ودعوا رب أو نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا الله سبحانه وتعالى وأنتم مقينين بالإجابة أقول كالله عز وجل tout en ayant la certitude qu'Allah va vous exaucer. C'est des choses qu'inchallah qu'on va répéter dans les doigts qu'il faut ramener pendant le sujoud. Et le fait de se tenir Barthelofikum, être apaisé dans la prière. Tam, ça c'est l'avis de la majorité des ulama. Tam, la majorité des ulama, ils voient que tu dois être apaisé. Et c'est un pilier d'être apaisé pendant la prière. Tandis que les Ahnaf, les Hanafiya, ceux qui suivent les idéologies de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, ils voient que ce n'est pas un pilier. Il te suffit de poser ton front par terre et de te relever, ça suffit pour que tu aies accompli l'ordre d'Allah Azza wa Jalla dans lequel il t'a dit « Irka'u wasjudu » Inclinez-vous et prosternez-vous. Mais comme on a pu le voir, le hadith, c'est une preuve contre les personnes qui prennent cet avis-là. Nabi Sallam, il a dit « Summasjud hatta tatma'inna sajidan » Ensuite, prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé dans ta prosternation. Donc, même si jamais ce n'est pas l'une mais c'est difficile de l'être parfois apaisé. Tant l'imam va dire naam. Ça, c'est si jamais naam, c'est hatta même c'est ma'rouf de certains imams et surtout de ceux qui viennent de Turquie. Ce que moi j'ai pu constater. Sans avoir une chose contre les Turcs, quand même, c'est nos frères, madame ala sunna, ala l'islam. Lakin, ça a été constaté chez ces personnes-là, dans ces mosquées-là, quand même, qu'ils ont un peu une. Ils s'empressent un peu. Quand même, ils s'empressent. Donc il faut conseiller l'imam. Avec hikma, en lui ramenant les dalils pour cela. Et si jamais et vraiment cette personne-là, elle prie sans être apaisée dans sa prière, ou bien sans laisser le temps à ceux qui prient d'être apaisés dans la prière, bah là, inchallah, faut changer d'imam. Faut changer d'imam. Ça met à peine ici le poser, Allahu Akbar, Islahulav, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est un peu difficile, comme t'as dit. J'ai déjà vécu ça. Faut changer de mosquée si c'est possible. Et si c'est pas possible, il y en a de retarder un petit peu. Tu retardes toi un petit peu, Inch'Allah. Même si jamais là, t'as fait, c'est pas une mukhalafa, mais si jamais tu fais pas ça, ta prière elle est annulée. Suivre l'imam, c'est comme c'est une obligation. Mais de faire, d'être apaisé pendant ta prière, c'est un pilier. Donc il faut faire précéder la préservance du pilier à l'obligation. Malgré que toi, t'as pas délaissé l'obligation. Ramdan, c'est-à-dire, tu ne l'as pas délaissé volontairement, mais c'est à cause de l'imam qui ne s'est pas prié. Sinon, on est en retard à chaque fois dans la gestuelle. La vitesse de l'imam est. Là, c'est mieux de préserver quoi ? Le pilier ? Parce que maintenant, si jamais tu veux le suivre, et tu délaisses l'apaisement dans sujoud ou dans le rukou, ta prière, elle est annulée. Je veux dire, ta raka'a, elle est annulée. Donc là, dans ces cas-là, c'est ma'rouf dans les kutub de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Qu'il faut faire précéder lorsque tu es entre deux mafsada, entre deux mal. Est-ce que tu dois délaisser le pilier ou bien l'obligation ? C'est ma'rouf que tu délaisses, barakallahoufikoum, l'obligation pour préserver le pilier. Car si tu ne préserves pas le pilier, ta prière elle est annulée. À moins que tu délaisses l'obligation, c'est-à-dire que tu seras un peu en retard, comme tu as dit dans la gestuelle, laquelle ta prière elle est préservée. Et toi, tu ne l'as pas délaissée volontairement pour te contredire au suivi de l'imam, laquelle c'est l'imam qui contredit la sunnah. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si jamais tu peux, tu pries. Barthelofi, comme derrière quelqu'un qui observe la sunna dans sa prière. Ou sinon, Yanni, si vraiment il n'y a pas d'autre imam, est-ce que maintenant tu peux délaisser la prière en commun ? On va dire que tu n'as pas d'autre mosquée pour cela. Est-ce qu'il te permet de délaisser la prière en commun ? Parce que cet imam-là n'observe pas pour les personnes qui sont derrière lui, les personnes qui sont présidées, qui sont apaisées pendant la prière. Question qu'Inch'Allah ne manquera pas. A posé à notre cheikh Abu Amr al-Hajwari, hafidhahullah ta'ala, car il est ces temps-ci à la mosquée où on prie. On lui posera la question, Inch'Allah, ce soir. On vous fera part de la question, Inch'Allah, pour le prochain cours. Ou bien, Inch'Allah, on mettra ça une fatwa. Parce que ça, c'est des choses qui sont vraiment répandues en France. Très répandues en France. Les personnes qui n'observent pas l'apaisement, ou il observe pour lui, il n'acquine pas pour les autres. Parce que toi, tu suis, donc tu seras un peu en retard. Donc ce décalage qui est entre toi et l'imam, le fait que lui vraiment il est vraiment rapide dans sa prière, ça va te faire que ça va t'amener ça va aboutir à ce que tu ne respectes pas la barakallahoufikoum, l'apaisement. Donc inchallah on posera la question. C'est une question qui est muhim jiddan. Est-ce que tu peux délaisser la prière en commun car l'imam ne te laisse pas le temps de pouvoir préserver barakallahoufikoum le suivi ou bien l'apaisement dans les piliers de la prière. On ne manquera pas, Inch'Allah, de poser la question. Naam. Donc ça, comme on a pu le voir, Barthelofikum, ça c'est l'avis de la majorité des savants. Et on ne doit pas prendre en compte ceux qui divergent par rapport à cela. Leur divergence, c'est comme si jamais elle n'existait pas. Car le hadith, il est clair, il est précis. Donc celui, dans notre époque, qui prend encore la parole d'Abu Hanifa, il y a Abu Hanifa a dit, on lui dit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Si vraiment il s'entête, on lui dit, comme il a dit Ibn Abbas, je crains que des pierres tombent sur ton crâne. Je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu me dis, Abu Hanifa il l'a dit. Donc, qui craignent Allah azza wa jal, les personnes qui n'observent pas le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui évoque d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ayyuhal ladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi, wattaqullah. » Ô vous qui croyez, ne faites pas précéder au prophète à Allah azza wa jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, « Ma'rouf, ceux qui avaient l'habitude de faire cela, de faire précéder leur point de vue, de faire précéder leur idéologie à au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui ? C'était le kuffar et c'était le munafiqin. Donc, man fa'ala hadha, faqad tashabbaha bi أخص المخلوقات وأخبثها. تمام؟ يتيدنتيفي على بير دي كرياتور، لي كفار والمنافقين. وانا نسأل الله سبحانه وتعالى العافيه من ذلك. نعوذ بالله من ان نقدم بين يدي الله ورسوله شيئا من العقل. تمام؟ on doit suivre, on est des musulmans, c'est-à-dire celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal et au suivi du prophète صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Donc leur divergence, on fait comme si elle n'existait pas. تمام؟ Ça nous montre que Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, son école de jurisprudence, vraiment, elle est basée sur les idéologies et pas sur le suivi. قال رحمه الله تعالى فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما. Il dit lorsqu'il était en prière ou en sujoud, ou lorsque tu es en sujoud, ou lorsque tu te prosternes, et que ceci est empilé comme on a pu le voir, il doit s'appuyer dans sa prosternation sur ses paumes, et il doit écarter pour cela ses mains. Ce qui nous prouve cela, et ça c'est un avis juste, ce qui nous prouve cela, Bartlofikum, dans ce paragraphe-là, dans lequel Sheikh Al-Albani, il va commencer à nous évoquer la description qui doit être observée pendant le shujud, pendant la prostration. Le dalil qui nous prouve qu'il faut écarter ses mains, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas collées sur tes hanches, c'est-à-dire tes coudes, il doit être vraiment écarté. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abdullah ibn Malik ibn Buhayna muttafaqun alayhi annahu qala nabi sallallahu alayhi wa sallam ou plutôt anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha salla farraja bayna yaday hatta yabduwa bayad ibtay qala l'imam al-Bukhari hadha fi sujoud. Donc dans ce hadith là authentifié plutôt dans les deux recueils de Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn selon Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu ta'ala anhu, qui nous décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, ou une chose ou un descriptif du sujoud du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, lorsqu'il était en sujoud, d'écarter ses bras de manière à ce que même la personne, si elle voulait regarder, ou plutôt il écartait ses mains de manière à ce que apparaissait le blanc de ses aisselles, le blanc de ses aisselles. Et ça peut tu peux aboutir à ce descriptif quand vraiment écartant tes mains, t'écartes vraiment tes mains, c'est-à-dire que tu les écartes peut-être un petit peu plus loin que les épaules, un peu plus loin que les épaules, c'est-à-dire afin qu'on vraiment voit kadhalika yani les aisselles, yani le blanc de tes aisselles. Donc ceci nous prouve que parmi la sunna du prophète, c'est de faire cela. C'est de faire cela, c'est-à-dire d'écarter. Et ce n'est pas une obligation. Lakin, c'est une sunna, car, comme on a pu le voir, le premier degré des gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est quoi ? C'est une sunna, c'est recommandé. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple à suivre. Uswa, c'est-à-dire un exemple à suivre. Et même ça, c'est ma'rouf. Rinda, ulama al-usul. Usul al-fiqh. Les ulama du Usul al-fiqh. Et un autre hadith authentifié par notre cheikh Mohammed ibn Hizam, hafizahullah ta'ala, il nous dit, dans lequel est évoqué, annahu kana yaf'al dhalika hatta yuballighu fi dhalika hatta law aradat al-bahima an tamur la marrat. Il nous dit, un Nabi sallam, il écartait tellement entre ses mains, entre les mains, que si vraiment barakallahu fikum, une bête aurait voulu passer entre son corps et la main qui est vraiment été mise à extrémité, elle aurait pu passer. Ça montre qu'il y avait vraiment un espace entre son torse, même entre ses hanches et ses deux mains. Donc Inch'Allah, c'est une sunna qu'il faut observer pendant la prière, de bien écarter les bras et ne pas les coller à la hanche. Mais celui qui fait cela, il aura sa prière n'est pas annulée, quand même, et il ne saura pas kadalika. Il n'aura pas commis un péché, lakin il aura délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les choses qui sont recommandées dans la prière, il faut savoir que c'est des choses que on peut même dire que c'est des choses qui sont très recommandées. Pourquoi? Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni wa salli » Priez comme vous m'avez vu, priez. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de faire comme vraiment il a vu, il a fait. Donc c'est une chose qui est recommandée, parce qu'il ordonne. Mais on sait qu'il y a des choses qui sont des sunnahs, qui sont des choses recommandées, qui n'ont pas le degré et le jugement d'une obligation. Lakin, de ces choses recommandées, par rapport à ce hadith-là, on peut les monter à un degré un peu plus haut, qui est quoi? Que c'est très recommandé et que c'est fortement déconseillé de délaisser. Tamam? Et l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit que c'est une chose qui est vraiment connue, c'est mustahab, c'est recommandé. Tamam? Auprès des ulama, et l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il dit le amal d'ahl al-ilm ala hadha. Tamam? Les savants, ils voient que la plupart, ou plutôt, on peut sentir à travers sa parole que c'est comme si jamais il était en train de ramener un ijma', qui sont tous unanimes sur le fait que ceci est une sunna qui est recommandée de faire cela. Il est venu un hadith de Ibn Umar, ou plutôt un athar d'Ibn Umar, ou plutôt Naam, qabla dhalika, il est venu un hadith marfou, c'est-à-dire qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, ce n'est pas tout hadith qui est marfou, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique. Dans ce hadith-là, il nous est dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, isti'inu bil-rukab. Après que les gens ont dit, lorsqu'on écarte nos mains, comme tu le fais, ya Rasulallah, on ressent une certaine difficulté. On est fatigué. Et il nous dit, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc, isti'inu bil-rukab. Prenez l'aide pour cela, yani pour vous alléger cette difficulté de vos genoux, c'est-à-dire mettre les coudes sur le genou, afin de t'alléger la difficulté quant au fait d'écarter les mains comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car certains des sujouds ils étaient longs. Ce hadith là il était ramené par l'imam Ahmad et autres, lakin les imams du hadith comme al-Bukhari ou Abu Hatim ou Tirmidhi ou Dar-Qutni rahmatullahi alayhim ajma'in, ils ont dit que ce hadith-là, il n'est pas marfou', lakin il est mursal, c'est-à-dire que c'est un tabi'i qu'il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ma'rouf, et tabi'i, c'est pas une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne peut pas juger de l'authenticité de ce hadith, car il manque entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être un sahabi ou deux, ou peut-être yani un tabi'i et autre, on ne sait pas qui est l'intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'ignorer l'intermédiaire qui est entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause qui rend faible le hadith. Tamam? Donc ce hadith-là, c'est un hadith qui est mursal, attribué, ou un tabi'i qu'il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, al-Sheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, dans son Jami' al-Sahih, il a évoqué un athar d'Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, qui disait, « Fa'na'am, inna al-rukab » Sunnat lakum fakhudhu bil-rukab. Hadith a été apporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, dans lequel il nous a dit que Ibn Umar a dit vos genoux ont été créés pour une chose. Tamam? Il nous dit donc yani prenez, ou plutôt khudhu bil-rukab, yani aidez-vous de vos genoux, c'est-à-dire lorsque tu ressens une difficulté dans la sujoud, peut-être que l'imam Allahumma barak tamam, il a prolongé son sujoud. Si jamais tu ressens une difficulté, on t'a pas descendu le Coran afin que tu ressentes une difficulté. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-le comme vous le pouvez. Si tu ressens une difficulté, tu ne vas pas aller au-dessus de tes capacités. Jusqu'à peut-être que ta prière est en train de trembler. Non, le but, c'est pas un challenge, là, tu dois ressentir un apaisement, tu dois être apaisé dans ta prière et non pas un challenge, est-ce que je vais durer jusqu'à ce que l'imam il finisse son sujoud? Non, tes bras jusqu'à peut-être au moment où il tremble, rabat tes bras jusqu'à peut-être les mettre sur tes genoux comme l'a dit Ibn Umar, aide-toi de cela, même qu'on a pu voir c'est une sunna. Et ce qui fait partie aussi de la sunna, c'est d'être, ou plutôt d'un pilier, c'est d'être apaisé pendant ton sujoud. Ça, c'est un pilier. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire précéder la sunna à partir du moment où tu es en train de violer un pilier. Donc tu dois revenir sur le pilier afin que tu te ressens, barclofikum, que tu es apaisé dans ta prière, apaisé dans ton sujoud. Donc rabat tes mains ou rabaler d'une manière à ce que tu ressens un apaisement pendant la prière à partir du moment où tu as une difficulté lorsque tu écartes tes mains. Sinon, la chose qu'il faut faire en premier lieu, c'est d'écarter ses mains. T'as mon sujoud, tu ressens une difficulté et rabaler. Tu les rabats, walhamdulillah. Dans ces deux choses-là, t'as des textes pour cela. قال رحمه الله تعالى ويضم أصابعهما إن دي et lorsqu'il était après qu'il ait écarté ses mains il doit rejoindre tamam ses doigts il doit rejoindre pour cela ses doigts et ceci en كذلك a été prouvé par un hadith authentique selon Ibn Umar رضي الله تعالى عنهما rapporté par Ibn Abu Shayba رحمه الله تعالى et authentifié par Sheikhuna Muhammad Ibn Hizam حفظه الله تعالى dans lequel il nous a dit إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم dit lorsque l'un d'entre vous se prosterne qu'il oriente ses doigts ou plutôt ses mains vers la qibla car ses bras ou plutôt ses mains se prosternent avec son visage La personne peut nous dire d'où avez-vous déduit dans ce hadith là qu'il fallait joindre les mains pendant barakallahu fikum pendant le sujoud. On lui dit, lorsque Nabi Sassam lui dit, que nos doigts doivent être dirigés vers la Qibla. Ce qui est connu, si jamais tu écartes tes bras, t'amam, toi tu es en face de la Qibla. Tu es en sujoud, t'amam, tes doigts. N'am. Si tu écartes tes doigts, t'amam, si tu les écartes, c'est clair et net, peut-être que le majeur, il va être en direction de la Qibla, laquelle le pousse, et qu'à l'écart le petit doigt, et les autres doigts, hatta, ils vont pas être en face de la Qibla. Donc le fait que Nabi Sassam dit « Fastaqbil biyadayk al-qibla » que tes mains soient en face de la qibla, ceci implique que « Kazalika » tes doigts, ils soient avec la qibla. Donc pour cela, il faut que tes mains, ou plutôt tes doigts, ils soient joints. Il faut que tes doigts, ils soient joints. Donc on a déduit qu'il fallait joindre les mains dans le hadith, ou dans la parole du prophète lorsqu'il a dit « Fastaqbil al-qibla »« Fastaqbil al-qibla biyadayk biyadayk » que tes mains soient orientées vers la qibla, c'est-à-dire tes doigts aussi. C'est-à-dire tes doigts aussi. Mais est-ce que maintenant, si jamais tu arrives à mettre tes doigts en direction de la Qibla sans pour cela les avoir joints, à partir du moment qu'ils sont en face de la Qibla, même si jamais tu ne les as pas joints, alhamdoulilah, tu es rentré dans la Sunnah. Donc yani, ça ne fait pas partie de la Sunnah de joindre yani, à tout prix ses doigts. Si jamais c'est ma'ruf, tu les as un tout petit peu joints, même si jamais ils sont un tout petit peu écartés, tu es toujours dans la Qibla. Donc la Sunnah, parce qu'en France, ce qu'on connaissait, c'était qu'il fallait joindre à tout prix ses mains. Si jamais tu laissais un petit espace, il faut joindre, il faut mettre tes doigts en direction de la Qibla. Si jamais tu as réussi à les mettre en direction de la Qibla, alhamdoulilah, que tu as joint tes doigts ou pas, tu es rentré dans la Sunnah. Donc, yani que tu aies la conviction qu'il faut joindre tes mains, que ceci est une Sunnah, plutôt tes doigts, et que ceci est une Sunnah, ça ne fait pas partie de la Sunnah. La Sunnah, c'est que tes doigts soient en face de la Qibla. Barakallahu fikoum. Ça c'est la fatwa de Cheikhana Mohamed ibn Hizam. قال رحمه الله تعالى ويوجهها نعم ويوجهها الى القبله. Donc il doit les orienter vers la Qibla comme on a pu le voir à l'instant. ويجعل كفيه حذو منكبي وتارة يجعلهما حذو اذني. Donc là il passe aux mains, تمام ou plutôt نعم à la hauteur que doit être observée yani les mains où tu dois les mettre après ta tête vers tes pectoraux, vers les épaules, vers les oreilles. Voici yani, le paragraphe qui nous montre où doit être mis les mains. Et comme on a pu le voir avant, barakallahu fikoum, le fait de joindre ses mains pour la qibla, c'est une sunna. Tamam, c'est une sunna et ce n'est pas une obligation. Tamam, fastaqbil al-qibla tabiyadayn fa innahuma yastudan. Tamam, ceci yani, est un ordre dans lequel Allah il recommande cela. Tamam, on va le voir, ce qui est recommandé, c'est que tu te prosternes sur tes mains. Ah, mais si jamais tu as écarté tes mains, barlofikum, ceci, on ne dira pas que de toi que tu as commis, que tu as fait un péché. Personne n'a dit ça parmi les ulama. Donc là, on passe au paragraphe dans lequel on dit que les mains, plutôt la paume, t'as même les mains, c'est-à-dire du poigne jusqu'à le bout des doigts, ils doivent être mis à la hauteur des épaules ou bien à la hauteur des oreilles. Kima qala, hadhu man kibay Donc tu as le choix entre ça et ça. De temps en temps, tu les mets à la hauteur de ton épaule, ou de temps en temps, tu les mets à la hauteur de tes oreilles. La kin, ce qui est ma'ruf, c'est que la sunna, c'est que tu mettes tes mains à la hauteur de tes oreilles. Comme on va le voir, inshallah, quant au hadith qui est venu dans lequel il est dit que tu dois mettre tes mains à la hauteur de tes épaules, c'est un hadith qui n'est pas authentique, dans lequel il y a Fulay, Fulay ibn Ismail, c'est quelqu'un dont il y en a les caractéristiques qui lui sont qui ont été évoquées, quand même, dans les livres de biographie des rapporteurs, c'est que c'est quelqu'un qui est daïf, c'est quelqu'un qui est daïf lorsqu'il ramène un hadith et qu'il est tout seul dans cela. C'est quelqu'un qui est daïf. Alors, si jamais on trouve quelqu'un d'autre qui a dit cela, on peut juger que là, il n'a pas fait une erreur. C'est quelqu'un qui est connu pour être d'équité, là, il fait des erreurs. Donc lorsqu'il est tout seul et qu'il fait des erreurs, on ne peut pas prendre cette parole-là, car on a peur que ce hadith-là il fait partie des erreurs. C'est pour cela que son hadith-là, il a été rejeté. Ce hadith-là, barakallahu fikoum, il a été évoqué dans... il a été évoqué dans Sunan al-Tirmidhi, selon Abi Humayd al-Sa'idi, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, qala nabi'u kana... أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه عن جانبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. تمام. Donc ce hadith là qui est rapporté par Tirmidhi, dans lequel se trouve ce rapporteur là que je vous dis qu'il est daïf, Fulayh ibn Ismail, il nous a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم il avait pour habitude, lorsqu'il était en prière, de bien poser son nez et son front à terre et d'écarter ses mains de ses hanches et de poser ses paumes, c'est-à-dire ses mains, à la hauteur de ses épaules. Ça, c'est la chose qui a été évoquée hatta dans le kitab de Sheikh al-Albani, Sifat al-Salah, Tinabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, le livre dans lequel il a été résumé ce qu'on est en train de lire. Lakin, ce hadith-là, comme on a pu l'évoquer, barakallahu fikoum, il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Fulayh ibn Ismail n'est pas une personne dont ces hadiths sont pris en considération. Lakin, fi sahih muslim, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha sajada, wada'a wajhahu bayna kayfayhi. Kaffayhi. Nabiyyu sallallahu, lorsqu'il se prosternait, il mettait son visage entre ses mains. Il mettait son visage entre ses mains. Ce qui est voulu entre ses mains, ça ne veut pas dire que tu dois rapprocher tes mains de ton visage. Non, comme on a pu voir, Nabiyyu sallallahu, il écartait bien ses mains. Mais que tes mains, plutôt ton visage, que tu montes tes mains à la hauteur de ton visage. Que tu montes tes mains à la hauteur de ton visage. Et ce qui est voulu par là, car il y a d'autres hadiths, alhamdoulilah, qui précisent un peu plus ce qui est voulu. Qui précisent un peu plus ce qui est voulu. Donc à la hauteur entre le visage, ça nous montre que c'est pas quoi, barakallahu fikoum, c'est pas à la hauteur des épaules. Parce que les épaules, c'est en bas du visage. Donc le fait qu'il nous dit qu'il mettait sa tête entre ce visage, ceci nous prouve qu'il ne mettait pas ses mains à la hauteur de ses épaules. Barakallahu fikoum. Et le hadith qui nous prouve cela, et qui est beaucoup plus précis pour cela, le hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, et authentifié par Cheikhuna Muhammad ibn Hazam, hafizahullah ta'ala, dans lequel il dit: falamma sajada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa da'a ra'sahu bi dhalika al-manzil min bayni yadayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il posait son visage, ou plutôt sa tête, lorsqu'il voulait, c'est le visage, parce que tu ne peux pas poser ta tête, lorsqu'il posait son visage, il le posait entre l'endroit dans lequel il levait sa main. Et c'est ma'rouf, l'endroit qu'il levait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il levait sa main pendant la prière, c'est quoi? Comme on a pu le voir, il est au nombre de trois. C'est-à-dire que tu lèves la main au niveau des épaules, au niveau du lobe des oreilles, et au niveau, ou entre les deux, comme on a pu le voir. Qu'est-ce qui est voulu là? Qu'est-ce qui est voulu ici? C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit qui est voulu entre ces trois endroits-là, c'est au niveau des oreilles. C'est-à-dire vers le lobe des oreilles. Car on nous dit, yani wada'a ra'sahu bi dhalika al-manzil min bayni yadayhi, yani dans l'endroit où il levait sa main. Tamam. Lakin, ce qui est bien précisé, comme le prouve le hadith de Muslim, c'est pour ça que je l'ai évoqué, c'est que le Nabi sallam, il le faisait quoi? Il faisait cela, il posait sa main entre son visage. Tamam. Donc le fait qu'il a posé entre son visage, ça veut dire à peu près quoi? Yani vers le lobe des oreilles. Tamam. Vers les oreilles, c'est-à-dire vers les oreilles. Ça, c'est la sunna qu'il faut observer lorsque tu as écarté tes mains, tu dois les mettre à la hauteur de tes oreilles. Et le hadith qui nous prouve cela par rapport aux épaules, il n'est pas qualifié, il n'est pas authentique. Donc ceci est une sunna qu'il faut respecter kadhalika et observer pendant la prière. Naam. Qala rahimahullah ta'ala. Le haut des mains ou la main de manière générale. En tout cas, ce qui est voulu par, comme on a pu le voir, avec la qa'ida du Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, c'est que la main, c'est quoi? Lorsqu'elle est évoquée de manière générale, ou plutôt globale, c'est entre le poignet et l'extrémité du majeur. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est la main. Donc, lorsqu'il dit la main, ça rentre obligatoirement, c'est quoi? L'extrémité du majeur. C'est-à-dire que l'extrémité du majeur ne doit pas dépasser quoi? Les oreilles. Le haut des doigts ou la main? Naam. Fahimta? Ok, naam. Donc, c'est-à-dire que c'est le bout des doigts qui ne doit pas aller où? Il ne doit pas dépasser le bout des oreilles. C'est ça. Lorsqu'il dit entre, il mettait sa main entre son visage, entre le visage, c'est-à-dire que, même si la personne elle applique cela, c'est-à-dire qu'elle met vraiment sa main entre le visage, ou bien elle descend, elle monte un petit peu sa tête pour mettre sa main, qu'elle ne dépasse pas ses oreilles, barchlofikum, kadalika, le texte il peut être compris comme ça et comme cela. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il le mettait au niveau des oreilles. Parce que, c'est comme on a pu le voir, il levait sa main de trois manières. Soit il le mettait au niveau des épaules, soit entre les oreilles et l'épaule, ou bien soit quoi? Barakallahu fikoum, yani avec le lobe des oreilles. Avec le lobe des oreilles. C'est-à-dire qu'il ne dépassait pas le lobe des oreilles. Il ne dépassait pas le lobe des oreilles. Donc, Inch'Allah, il faut faire cela. Lorsqu'il nous dit, il posait sa tête entre l'endroit où il levait ses mains, ce qui est ma'ruf, comme ça a été clarifié par la version de l'imam Barakallahu fikoum muslim, c'est entre les oreilles. En plutôt, il mettait sa main, sa tête entre ses deux mains. Donc, c'est, il ne faut pas que l'extrémité de tes doigts, elle doit pas dépasser quoi le lobe de tes oreilles. Ça, c'est la sunna. Ah, mais si jamais tu dépasses, tu auras khalaf sunna. Mais ça ne fait pas que de cela que ta prière l'a annulée. Qala rahimahullah ta'ala wa fiqa barakallah. Qala rahimahullah ta'ala wa bi raf'i dhira'ihi 'ani al-ard wujuban wa la yabsutuhuma basta al-kalb. Il nous dit, il doit lever ses coudes du sol. Et ça, c'est une obligation. Il dit, il ne doit pas faire comme le fait le chien. C'est-à-dire qu'il allonge ses pattes. Il allonge ses pattes. Donc, il ne faut pas que tu allonges tes coudes sur le sol. Il ne faut pas que tes coudes soient au contact du sol quand tu es en train de te prosterner. Ce qui nous prouve cela, hadith Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayhi, dans lequel il nous dit I'adilu fi sujoud, qu'en Nabi sallallahu alayhi wa sallam, i'adilu fi sujoud, wa la yabsut ahadukum dhira'ayhi in bisat al-kalb. Il nous dit, lorsque vous êtes en sujoud, dressez-vous bien dans votre sujoud, dans votre prosternation. Tenez-vous droit dans votre prosternation. Et il dit que l'un d'entre vous n'allonge pas ses coudes comme le fait le chien. Donc on ne doit pas s'identifier au chien. On n'a pas les mauvais caractères. C'est pour ça que vous voyez, hatta, on ne doit pas se ressembler. On doit pas. Il faisait tout pendant sa prière afin qu'on ne ressemble pas aux animaux. On ne va pas en prosternation comme le fait le chameau. On ne se prosterne pas comme le fait le chien. Donc ceci est une obligation. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc le fait que tu ressembles à, tu t'identifies à un chien, allez, ça c'est une chose qui est grave. Ceci nous montre bien que c'est une obligation. Un, parce qu'il a ordonné, et deux, parce qu'on ne doit pas s'identifier aux animaux. Qala rahimahullah ta'ala wa yumakkin anfahu wa jabhatahu min al-ard wa hadha ruknun. ويمكن ايضا ركبتي وكذا اطراف قدمي. Il nous dit, lorsqu'il est en prosternation, il doit mettre son nez, son front sur à terre. Et ceci, il nous dit, c'est une obligation. Il nous dit, ويمكن ايضا ركبتي. Il doit mettre كذلك ses genoux au sol. وكذا اطراف قدمي. كذلك, il doit poser ses pieds كذلك pendant la prosternation. Il nous dit, et tout cela fait partie des arkan as-salah. Ça fait partie des piliers de la prière. Ce qui nous prouve cela, hadith Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayhi, dans lequel le Nabi sallam il a dit, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, muttafaqun alayhi. On m'a ordonné de me prosterner sur sept membres. Tamam? Et ces sept membres-là, il les a évoqués ensuite en disant, al-jabhatu wal-yadayn wal-rukbatayn wal-rijlayn. C'est-à-dire le front, tamam? Les deux mains, ça fait trois, les deux genoux, ça fait cinq, et les deux pieds, ça fait 7. Et dans un autre hadith qui est un peu plus clair que celui-là, plus précis, dans lequel il nous a dit, كذلك rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel il nous a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه واليدين الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين رواه البخاري ومسلم. Donc dans ce hadith là que le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a été ordonné de prier de se prosterner sur sept membres. Ensuite il a décrit ces membres là il a dit على الجبهه sur le front. Et il a monté pour cela son nez. C'est-à-dire lorsqu'il dit le front, c'est-à-dire le visage, ça même, c'est le front et le nez. Le front et le nez. Certaines personnes ils disent, n'a-t-il pas dit 7 ? Lorsque tu comptes le front, le nez, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds, ça fait 8. On lui dit, le wajh, c'est un membre. Le wajh, il est compté comme un membre dans lequel il est compris le front et le nez. Donc ça fait 7, ça ne fait pas 8. Et il nous a montré aussi, Kadalika, qu'est-ce qui est voulu par les pieds. Il a dit, wa atraf al-qadamein. Sur le bout des pieds. T'as même sur le bout des pieds. Donc, comment doit-on être prosterné ? Sur le front, le nez, les deux mains, les deux genoux, et sur le bout, sur les doigts de pied. Waqar rahmahu wa ta'ala, kullu hada ruknun. Donc, ça fait partie des piliers de la prière. Il dit ceci, ça fait partie des piliers de la prière, et ça, c'est l'avis qui est prépondérant. T'as même l'avis qui est prépondérant. C'est que tous ces membres-là font partie des piliers de la prosternation. Si jamais tu ne te prosterne pas, on va dire, sur. Si tu ne mets pas ton front à terre, ta prière, elle est annulée. Si jamais tu mets une main en l'air et une main à terre, ta prière, elle est annulée. Toutes ces choses-là doivent être posées à terre. Certains de ulama, ils voient que c'est juste le visage qui doit être prosterné. Il nous dit, à partir de ce moment-là, tu es qualifié comme quelqu'un, tu es en prosterné. Quel est le dalil ? Il nous dit, Nabi Sassam, il disait, Sajda wajihi lilladhi fatara samawati ardh. Mon visage s'est prosterné pour celui qui a créé les cieux et la terre. Il dit, Nabi Sassam, il a dit, il a compté une personne, ou il a considéré la prière comme prosterné à partir du moment qu'il a quoi ? Posé son visage par terre. Laquelle on dit, ce hadith-là, il ne prouve rien. Et Nabi Sassam, il a seulement évoqué le visage, car ça fait partie du membre yanné qui est le plus noble de la partie du corps. Voilà pourquoi Nabi Sassam, il a évoqué le visage, il n'a pas évoqué les autres membres de prosternation. Laquelle le hadith dans lequel Nabi Sassam a dit, on m'a ordonné de me prosterner sur sept membres. C'est ce hadith-là qu'il faut faire précéder, et non pas l'autre hadith. Donc, Yanni, même si jamais ils ont divergé par rapport à cela, il ne faut pas prêter attention à cette divergence-là, car elle est vraiment faible. Yanni, les arguments sont très très faibles. Amma, quant au fait. Naam, Yunsou Bouhama. Naam, qala rahimahullah ta'ala, كذلك parmi les choses qu'il faut évoquer. قال رحمه الله تعالى وينسبهما وهذا كله واجب. Il nous dit, il doit dresser ses pieds, les dresser ses pieds, et il nous dit que ceci est une obligation. Lakin al-hadith, yani nous prouve que c'est une sunnah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été rapporté par Muslim, selon Aisha radiallahu ta'ala anha, قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت فوقعت يعني فوقعت من يدها على فوقع يدي على بطني قدمي وهما منصوبتان وهو ساجد. عائشة رضي الله تعالى عنها nous fait part de ce hadith rapporté par Muslim qu'une fois, yani dans la nuit, elle savait plus où il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a commencé à tâter un peu à droite à gauche jusqu'à ce que sa main allait tomber sur le côté sur les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous a dit que ses pieds étaient dressés, c'est-à-dire sur le bout des doigts de pied. Sur le bout des doigts de pied, il était en train de se prosterner. Donc ce hadith-là nous prouve que la sunna, c'est que tu sois prosterné de cette manière-là. Est-ce que c'est une obligation ? Il n'y a rien qui nous prouve cela. Il n'y a rien qui nous prouve cela. Donc, le jugement qui nous dit « وَهَذَا كُلُّهُ وَاجِبْ » le fait que tes pieds ils soient dressés, que c'est une obligation, là, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que si jamais les doigts de pied ne sont pas dressés, c'est-à-dire qu'il prie en mettant ses doigts de pied dans le sens inverse de la Qibla, il se sera prosterné sur le bout de ses doigts de pied. C'est-à-dire qu'il aura accompli l'obligation, le pilier qui est demandé dans la prosternation. À main, si jamais il met le bout de cette voie de pied en direction de la Qibla, et en s'appuyant sur cela, naam, il aura fait la sunnah, et c'est ce qui est préférable. قال رحمه الله تعالى ويستقبل بأطراف أصابعها أصابعهما القبلة. Il nous dit qu'il doit mettre ses doigts de pied en direction de la Qibla. Et ce qui nous prouve cela, hadith Abi Humayd al-Sa'idi, rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel il nous a dit واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بأطراف أصابعها أصابع رجليه القبلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il mettait ses doigts de pied en direction de la Qibla lorsqu'il se prosternait. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit ça, ça fait partie dans le sujoud. Dans le sujoud, Anbi Sallam mettait ses doigts de pied en direction de la Qibla. Et il dit ceci est une sunnah, qui est connue, qui est une sunnah. Wa qala rahimahullah ta'ala wa yarussu aqibayhi. Il doit joindre ses talons. C'est-à-dire qu'il prie, il ne doit pas laisser un espace entre ses pieds. Au contraire des mains. Les mains, tu dois les écarter lorsque tu fais takbir. La kinoha huna, lorsque tu dois joindre tes pieds doivent être joints. Lorsque tu te prosternes, tes pieds, ils doivent être joints. Et ceci est une sunnah. Le hadith qui nous prouve cela est rapporté par Ibn Khuzaymah selon Aïcha, radiallahu ta'ala anha, dans lequel Nabi Sussam l'a dit, oh, anna Rasulallah sallallahu kana rassan haqibé. Le prophète sallallahu lorsqu'il était en prosternation, il joignait entre ses talons. Et sur ce, inshallah, on va se quitter. Afwan de vous avoir retardé pour la prière de Dhahr. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي